Vous écoutez? La croche-oreille. Alors, salut tout le monde, bienvenue à La Croche-Oreille, l'émission qui fréquente les arts qu'on appelle sonores. Gaëtan Gosselin à l'antenne, heureux de vous retrouver sur les ondes de CKRL 89.1, qu'on trouve aussi sur la toile à ckrl.qc.ca. Je vous propose ce soir, en reprise, une rencontre plutôt chaleureuse avec les musiciennes et musiciens du Quatuor Bozzini. Ça se passait à la fin de l'été 2021. En compagnie d'Isabelle et de Stéphanie Bozzini, flanquée d'Alissa Chung et de Clémence Merkel, qui forment le fameux quatuor. Bozzini, c'est un quatuor hors norme, il faut le dire, qui développe une approche qu'on peut qualifier d'holistique de l'univers musical, en mixant de manière brillante les musiques classiques, l'expérimentation sonore, les nouvelles musiques et parfois le spoken word et la poésie. J'ai lu quelque part qu'il cultive le sens du risque. C'est tout à fait juste au sens où il fréquente avec beaucoup de sensibilité les plus audacieux compositeurs, compositrices de la scène artistique, qu'elle soit sonore ou musicale. Bien évidemment, je pense à Joan Itu, Alvin Lucier, Eliane Radigue, Christian Wolff, Jean de Rome, et puis j'en passe là, de nombreuses. On a discuté de leur passion pour les créateurs contemporains, de leurs nombreuses collaborations artistiques, de leur vision et bien sûr de leurs projets avec les jeunes artistes de la relève notamment. Ils étaient en tournée dans le cadre de Québec Musique Parallèle en partance pour Albertville, petite municipalité dans la vallée de la Matépédia, ce qui en dit long de leur projet de faire rayonner les nouvelles musiques partout dans le monde. Alors voilà, parole à Alissa, Clémence, Isabelle et Stéphanie du Quatuor Bozzini. Circles glowing in the dark. Turn off all the lights. Nervous system. That which is concealed. That which is revealed. -219.6. -101.5. -7.2. 113.7. Around 300. Salt in the water. Salt on the tongue. Salt on the skin. Salt in the vessel. Imaginary salt. Savage beast. Alors, Isabelle, Alissa, Stéphanie du Quatuor Bozzini, bienvenue à l'émission. Très heureux de vous rencontrer aujourd'hui. Je m'adresse à l'une d'entre vous. Le Quatuor Bozzini, c'est un quatuor. Et je me demandais pourquoi un quatuor? Pourquoi vous n'êtes pas devenu un quintet, un trio, un duo? Quelle est la genèse de ce beau projet? Moi, je te dirais, moi, j'ai toujours voulu faire du quatuor, puis je pense pour les cordistes, on s'entend que c'est le choix idéal. Et c'est sûr qu'on peut jouer dans d'autres formations, ça nous arrive aussi d'avoir des invités, mais il y a tellement de répertoires, et c'est parce qu'il y a une balance fantastique quand il y a ces quatre instruments ensemble. Donc voilà, pourquoi le quatuor? À l'origine, quelle était la perspective que vous partagiez? Est-ce qu'on peut sentir une transformation depuis une vingtaine d'années? Parce que tout de même, le quatuor apparaît en 1999, dit-on dans la documentation. Oui, je dirais définitivement une transformation, mais c'est pas... C'est-à-dire qu'on est, tous, je dirais, attirés par des esthétiques communes, puis on a des envies de répertoire communes. Mais je dirais que depuis 20 ans, c'est parti dans différentes directions au niveau du son puis du style puis ce qu'on a exploré en musique. Ben c'est je le disais tantôt, c'est pourquoi le quatuor, parce que c'est il y a un répertoire si riche et ça fait justement 20 ans qu'on l'explore. On en a aussi suscité et créé beaucoup de ce répertoire là. Comme disait Stéphanie, on a plusieurs avenues qu'on a vraiment voulu creuser. On a beaucoup travaillé avec les jeunes compositeurs. Après juste quelques années de quatuor Bottini, on se rendait compte qu'on connaissait moins les jeunes. On voulait savoir ce qui se passait. Ça a commencé avec le Composer's Kitchen, puis on a créé après ça toute une série d'ateliers, puis des résidences. Puis dans tout ça, il y a plein de collaborations avec les compositeurs qui se poursuivent. On a un petit peu, je pense qu'on parlera d'Alvin Lucier tantôt, on a un petit peu notre série aussi, ce qu'on appelle les American Mavericks, les grands classiques de la musique expérimentale américaine. Ça nous intéresse, ça nous interpelle depuis le début. C'est beaucoup venu par Clemens, qui pourra en parler peut-être plus longuement tantôt, mais c'est notre première saison à Montréal, notre première saison officielle, on avait présenté justement tous les quatuors de Christian Wolff. C'était l'école de New York avec Cage Feldman, Wolf, Earl Brown et compagnie. Et donc, c'est quelque chose qu'on a poursuivi là, pendant toutes ces années-là. Ça a été Wolf, ça a été Lucier, ça a été Tenney, ça a été Cage aussi, qu'on a exploré en masse, Feldman et compagnie. Puis il y a des femmes là-dedans. Cardew, oui, qui lui de l'autre côté. Finalement, on a beaucoup travaillé aussi avec des créateurs anglais. Et puis, parmi les femmes en musique expérimentale, on a Radig, puis on a Gloria Coates aussi. Donc, c'est sûr que dans cette génération-là, il y avait moins de femmes présentes, en tout cas, clairement disponibles, mais c'est aussi une recherche qu'on continue de faire, puis on en découvre encore. Si vous voulez, on va écouter une pièce de votre répertoire autour du travail que vous avez fait avec Eliane Radig. Thank you. Stéphanie, Isabelle, Alissa, je voulais vous amener avec ma première question sur les origines du quatuor et comment il est né. Est-ce qu'il est le fruit d'un hasard de se retrouver autour d'un projet qui est musical, certes, mais qui est artistique aussi? Bien, comme Isabelle mentionnait tantôt, je pense qu'il y avait vraiment d'abord le plaisir de jouer ensemble, mais ensuite le désir puis l'envie de découvrir qu'est-ce qui est écrit aujourd'hui par les compositeurs et compositrices autour de nous. Donc vraiment un besoin là, d'aller vers ce répertoire-là, cette musique-là. Donc je dirais que c'est ce qui nous a soudés ensemble au départ. Puis ça continue depuis. C'est sûr que, bon, évidemment, étant un quatuor à cordes, le répertoire est tellement large et y a plein de possibilités. Donc, ouais. Bien, en fait, ça fait très longtemps qu'on... Moi, ça fait 30 ans que je veux faire du quatuor. Je voulais faire du quatuor, j'avais 18 ans. Puis, bon, au départ, je n'avais pas pensé que j'allais faire du quatuor contemporain. J'étais au conservatoire, j'étais à McGill. Et puis, je voyais ça plutôt d'un côté classique. Et plus j'ai avancé dans mes études, plus je me suis intéressée à ouvrir d'autres portes puis aller voir qu'est-ce qui se passait ailleurs. Et après, en fait, avec Stéphanie, qui est ma sœur, Stéphanie Bossini, on fondait un quatuor à l'école, à l'Université de Montréal, pendant qu'on faisait notre maîtrise. Et ça, c'est devenu, disons, l'ancêtre du quatuor Bossini. Donc, nous, on joue ensemble depuis 1994, en fait. Et après, bon, ben il y a Clémence qui est arrivée à Montréal par l'entremise de l'ensemble CORE. Alors, autour de ça, c'était Michael Osterley, compositeur basé à Montréal, et puis Marc Kourou, qui est un pianiste qui est très, très actif à l'époque. Il y avait Yannick Plamondon qui tournait autour de ça aussi, qui avait été là dans les premiers concerts, et ils avaient invité Clémence Merkel à venir faire un concert. Donc, c'est comme ça que nous, on l'a rencontré. Et puis, Clémence a fini par rester au Canada, puis on a fini par l'inclure dans le quatuor après quelques années. Donc, voilà. C'est la jeunesse du quatuor. Je reviens, Isabelle, tu as évoqué tout ce travail, cette passion même pour les arts sonores, les nouvelles musiques, l'improvisation aussi. Et j'étais un peu curieux de savoir qu'est-ce qui vous fascine dans le travail de ces créateurs. On pense bon, à John Cage, Alvin Lucier, Eliane Radigue, Joanne Etu ou encore Jean de Rome pour l'impro. Qu'est-ce qui vous fascine derrière ces compositeurs, ces démarches? C'est une très bonne question parce que chaque compositrice a leur propre qualité. Puis c'est aussi le défi de ne pas traiter l'instrument à cordes comme un instrument à cordes classique. Je pense qu'on aime se défier de nouvelles manières de jouer, d'interpréter, de jouer avec d'autres artistes et pas seulement des artistes sonores avec qui on travaille. On travaille avec les danseurs, danseuses, des metteurs en scène. On travaille avec un marionnettiste maintenant. Film, cinéma, on aime tout ça, on est un peu éparpillé par tous les intérêts qu'on a, puis ça s'ajoute à notre jeu aussi. Moi, je dirais, c'est bien d'accord avec tout ce que Lisa vient de dire là, puis c'est la curiosité, la première chose, je pense, puis vraiment le goût d'aller voir ailleurs, le goût de s'impliquer à fond dans la création. Parce que on travaille, on étudie, évidemment, on est des interprètes, on étudie un instrument, c'est très, très spécialisé, mais on travaille à devenir des artistes, puis après ça, on devient des gens qui devront juste jouer selon, peu importe ce qu'on nous demande. Puis nous, on avait envie de plus que ça, je pense, on avait envie de creuser dans un travail artistique qui n'est pas juste un travail d'exécutant de haut niveau à l'instrument. Bien, je dirais que le choix de travailler avec certains compositeurs vient aussi du choix de collaborer avec eux, c'est-à-dire de créer des œuvres avec eux, puis de faire le travail du début de la genèse d'une création jusqu'à la fin. Ces collaborations-là, parfois, se sont échelonnées sur des années, voire des dizaines d'années. Puis, je dirais que c'est vraiment ce qui fait qu'on devient attaché non seulement à des œuvres, mais aussi à un processus de création, puis à des personnes, finalement, à ces artistes-là, parce qu'il y a vraiment un lien très fort là, qui se crée tout au long du travail qu'on fait avec eux. J'aimerais aussi ajouter, dans nos choix de compositeurs, compositrices, c'est vraiment, on écoute la voix. C'est vraiment que la voix soit unique, puis vraiment perceptive et forte. Je pense que c'est quelque chose qu'on retrouve parmi tous les artistes qu'on travaille avec. Mmh, tout à fait. Et pour l'illustrer, je dirais, ce propos, cet intérêt que vous avez, on va écouter une œuvre de Steve Reich. Ça date de 2005, c'est le Different Train, la pièce America Before the War. New York to Los Angeles, New York. York to Los Angeles, from New York. From New York to Los Angeles, from New York. From New York to Los Angeles, from New York. From New York to Los Angeles, from New York. From New York to Los Angeles, from New York. From New York to Los Angeles, from New York. From New York to Los Angeles, from New York. From New York. From New York to Los Angeles, from New York, from New York, from New York to Los Angeles, from New York, from New York, from New York to Los Angeles, from New York, from New York. Vous avez produit le Quatuor Bosini, salut Clémence qui joint à nous. Vous avez produit un album autour d'Alvin Lucier, ça s'appelle Navigation ou Navigation, c'est au pluriel, Navigation avec un S. Il y a une belle histoire du Quatuor Bosini avec Alvin Lucier. J'aimerais vous entendre là-dessus aujourd'hui, Stéphanie, parce que j'ai lu tout de même un peu ce que vous avez raconté dans votre documentation à propos de cette belle relation que vous avez avec, avec Lucier. Alors, la première fois qu'on a rencontré Alvin Lucier, c'était en 2005 au festival de Ostrava en République tchèque. Donc, on a travaillé sur sa pièce qui avait été écrite pour le Quatuor Arditi déjà quelques années auparavant, sa pièce qui s'appelle « Navigations ». Puis, j'ai toujours un souvenir assez, assez fort de ma première rencontre avec lui, en fait, qui s'est produite dans l'ascenseur de l'hôtel, où est-ce qu'on a eu une conversation vraiment très courte, mais je me souviens, ça m'avait marqué parce qu'il avait dans la main un roman de José Saramago. Puis j'étais, moi-même, je lisais ce même roman à ce moment-là. Donc, on a discuté un peu de son écriture, le fait qu'il écrivait, qu'il n'utilisait pas de ponctuation, puis la forme du texte, puis tout ça. J'avais trouvé ça assez fascinant. Puis voilà, ça a été ma première conversation avec lui. Et ce projet Navigation, comment il prend, comment il se développe, quelle approche vous faites des choix dans l'approche de ce travail parce qu'il a déjà fait l'objet d'interprétation. Comment vous l'avez fréquenté? Ben, Navigation était écrit en 91 et ben, on allait jouer en concert à Ostrava et des autres concerts. On a regardé qu'est-ce qu'il y a aussi dans le catalogue pour Quatuor à cordes. Soit des fois, il y a aussi des pièces qui ne sont pas écrites spécifiquement pour une Quatuor à cordes. Mais il y a une pièce qui s'appelle Disappearances, qui est, disons, la pièce. Sœur ou frère de Navigations, parce que c'est un effet assez semblable, mais la façon comment il l'exprime est contraire. Dans Navigations, il écrit un cluster qui devient unisson sur 15 minutes, et c'est écrit rythmiquement extrêmement précise, avec des microtons, des pitch, on sent. Ça veut dire que c'est extrêmement précis la façon comment c'est écrit. Dans le Disappearances, c'est une page de texte, rien d'autre. Il n'y a pas une seule note écrite. Mais un effet qui est similaire, qu'on part d'une unisson jusqu'à ça devient un petit cluster et les overtones deviennent plus forts et après ça disparaît pour ça Disappearances. Et on répète cet processus plusieurs fois. Et on trouvait ça comme un pair très, très intéressant. Après ça, on a regardé qu'est-ce qu'on peut faire aussi. Group Tapper, c'est un gros contraste, mais c'est beaucoup plus difficile à réaliser qu'on pense. parce que les instructions, encore juste un court texte, sont que chaque son doit être légèrement différent que l'autre. Il faut faire des développements, un paramètre doit être changé à chaque tape. Eh bien, voilà ce qui complète la première demi avec les musiciens, musiciennes du Quatuor Bozzini. Restez des nôtres pour la suite. Je vous reviens très rapidement après un très bref battement promo. À tout de suite. Vous écoutez CKRL. Vous écoutez La Croche-Oreille. On est de retour, c'est La Croche-Oreille. Je vous rappelle que vous retrouverez les pièces entendues ce soir sur le site La Croche-Oreille, ainsi que toutes les émissions archivées pour écoute quand ça vous tente. Vous trouverez ça facilement sur la toile. Au programme de la seconde demi, eh bien, la suite de ma conversation avec les musiciennes et le musicien du Quatuor Bozzini. Je vous les présente malheureusement brièvement, mais voilà, Stéphanie Bozzini est une altiste au style qu'on dit polyvalent. Elle enseigne à l'Université Concordia. Isabelle Bozzini est violoncelliste. C'est la cofondatrice du Quatuor avec sa sœur Stéphanie. Elle navigue depuis plusieurs années entre les musiques nouvelles, musique classique. Elle est active notamment au sein de l'ensemble Arion. Alissa Chung est violoniste et compositrice qui arrive à combiner la virtuosité musicale au défi de la création sonore. Enfin, et non le moindre, Clémence Merkel, violoniste, mycologue et passionnée de cuisine dont le style, dit-on, est peu conventionnel, souvent caractérisé par une grande intensité, beaucoup de sensibilité. Depuis sa fondation en 1999, le Quatuor Bozzini jouit d'une belle réputation internationale. Abordant des musiques nouvelles, expérimentales et classiques, leur répertoire est inspiré par de très nombreux compositeurs et compositrices contemporains. Ils ont jusqu'à maintenant donné suite avec succès à des centaines de commandes, ainsi qu'à près de 500 projets de création. On dit que chaque concert du Quatuor Bozzini est une expérience partagée avec intensité et présentée dans un climat qui inspire la quiétude. Je les ai rencontrés dans le cadre de leur tournée automnale dans le cadre de l'événement Québec Musique Parallèle, histoire d'échanger sur les arts sonores, les musiques et la vie. Alors, on poursuit cette belle conversation. Thank you. encore une petite histoire. Oui. En 2015, on a invité Alvin Lucier à Montréal pour plusieurs concerts qui sont... C'était vraiment... On fait beaucoup de choses, mais ce projet-là est vraiment... c'est une belle mémoire. Il était là avec en double bill, comme on dit, avec Pauline Oliveros. Et on ne savait pas dans le temps, mais c'était la dernière concert de Pauline Oliveros à Montréal. Et c'était fantastique. On a joué à l'église, la pièce... On a joué Navigations, Disappearances, tout le programme du disque. Parce que c'est toute une question. Alvin, dans les discussions, on n'était pas sûr s'il allait venir, puis on était pas sûr. Oui, c'est ça. Alvin était à Montréal 3-4 jours. Et moi, je cuisine un peu. Et Alvin, c'est aussi un amateur de la bonne nourriture, disons. Et en partant, je lui donnais un pot avec mon. Avec mes crétins. En tout cas, il m'a écrit un courriel quelques semaines plus tard que le crétin était si bon que celui de sa mère. Ça m'a tellement touché. Des fois, c'est la musique, des fois, c'est les crétins. on est allé dans certains restos dans cette semaine-là à Montréal et c'était... ça fait des bons souvenirs, plus privés, mais il a fait un concert au Sala Rosa où il a performé lui-même aussi, et c'était très fort. On va écouter une autre pièce de ce beau disque, de ce bel album intitulé Navigations, une pièce intitulée Una Muno. Thank you. Dites-moi, qu'est-ce qui est déterminant dans le choix d'un corpus? Vous avez travaillé plusieurs compositeurs, des compositeurs du Québec, du Canada, de l'étranger. Qu'est-ce qui est déterminant? Alissa a dit tantôt qu'on cherche des voix uniques. Ça, c'est sûr que c'est déterminant. Mais non seulement des voix uniques, mais il faut que ça nous parle à nous. Puis ça, on s'est rendu compte de ça assez tôt dans notre carrière de quatuor. Quand ça nous parlait moins, on se chicanait en répétant. Ça marchait jamais, ça sonnait pas trop bien. On trouvait pas les solutions. Puis on s'est dit, ah, non, il faut vraiment qu'on soit... Bon, après, c'est... Si en plus il y a une relation, puis que le compositeur est sympathique, la compositrice est sympathique, qu'on se connaît, qu'on travaille ensemble, c'est encore mieux. Mais surtout que l'œuvre, que la musique nous inspire, puis continue de nous inspirer, puis nous donner des défis intéressants, puis qu'on sente qu'on a quelque chose à communiquer avec ça au public, évidemment. C'est, Alissa le disait aussi, c'est des relations personnelles aussi. Qui vient souvent, c'est aussi sorti de la Composer's Kitchen, notre atelier, qui on a commencé en 2005, assez innocente, en pensant qu'il faut juste faire quelque chose pour le jeune compositeur. Il n'y a pas eu un gros plan stratégique là-dessus, mais c'est devenu vraiment un outil, pas une institution, mais un outil super puissant pour nous. Parce que maintenant, 15 ans plus tard, il y a des compositeurs qui étaient participants dans le temps, qui sont devenus les mentors. Et on n'a jamais pensé à ça. Mais c'est comme comme il y a un mouvement circulaire autour de nous. Et c'est une certaine esthétique aussi, qui on partage. Esthétique, pas dans le sens comment la musique est faite, mais plutôt comment on pense sur la musique, comment des valeurs qui ont partage, aussi beaucoup des pensées sur le music business, là, les affaires, qui c'est une champ de mine un peu. Je dois être prudent qu'est-ce que je dis, parce qu'on peut être très critique là, c'est facile, mais je veux le plus aborder dans une façon positive, que nous avons trouver une certaine façon à faire des choses, et on veut avoir des gens qui nous accompagnent dans ça. Est-ce que c'est des autres musiciens, des autres compositeurs, aussi les gens qui sont diffuseurs, qui programment des festivals? Beaucoup d'affinités sur le plan artistique, sur le plan musical, mais aussi sur le plan humain. C'est ce que je décode. Oui, on peut séparer ça. Oui, tout à fait. Écoutez, pour les auditeurs, je propose qu'on écoute une œuvre à laquelle vous participez. C'est une œuvre d'Ingvar Zak. Ça s'intitule « The Lost One ». C'est un extrait. Très belle pièce sur laquelle vous collaborez. On écoute ça. Thank you. L'émission s'achève malheureusement parce qu'on pourrait passer beaucoup de temps ensemble, c'est très agréable. J'aimerais vous entendre sur les projets qui s'en viennent. Je sais que vous êtes en tournée actuellement au Québec, participant au projet Musique parallèle qui s'en vient, mais il reste que vous êtes très actif et j'aimerais vous entendre là, sur vos projets en cours. Bien, projet en cours, pour ceux qui écouteront l'émission, c'est quelque part cet hiver, pendant l'année de pandémie, qu'on a évidemment travaillé à plusieurs enregistrements, donc on a entendu des extraits du Lucie aujourd'hui, mais on a aussi fait des enregistrements de Christian Wolfe, de Michael Osterley, de Tom Johnson, c'est ceux qui vont paraître sur Collection Cubée chez Dame. Il y a toujours à surveiller des concerts qui viennent. Bon, il faut aller sur notre site web pour ça, mais les tournées, fort heureusement pour les musiciens, reprennent. Maintenant, à partir de septembre 2020, les salles sont ouvertes. Au Québec, on est chanceux, on ouvre même la capacité des salles. Donc on sent qu'on peut reprendre espoir et puis retrouver la musique vivante avec un public vivant. Donc ça, c'est ce qui nous attend dans les prochains mois. Moi, je veux souligner la tournée qu'on fait présentement. Peut-être au moment de l'émission, c'est déjà passé, mais c'est pas grave parce qu'on va le refaire l'année prochaine. Québec Musique Parallèle, comme contexte, moi, je suis allemand d'origine. Ça veut dire que je viens d'un pays qui est extrêmement dense dans la population, mais aussi dans les événements culturels. Et j'arrive au Québec et je réalise que c'est très large, beaucoup moins de gens, mais ils sont super gentils. Mais il n'y a presque pas de tournée au Québec pour qu'est-ce que nous on fait. Il y a plusieurs raisons pour ça, et ça a pris des années, mais maintenant on a finalement réussi à tourner dans les villes et des villages plus petits. Et on a hâte à voir qu'est-ce que ça donne. Je trouve, pour moi, c'est la même importance comme jouer à Paris ou Berlin. Aller à Mont-Louis ou... Je ne sais pas, ça va, qu'est-ce que ça donne, mais c'est comme une petite aventure, mais j'adore ça. C'est important pour vous, la proximité avec le public et de sentir qu'on est en relation presque intime avec vos interprétations, vos œuvres. Tout à fait, c'est primordial en fait. Puis juste pour ajouter, pour la tournée de Québec Musique Parallèle, on est aussi, c'est des concerts qui sont comme des doubles concerts, donc on est toujours avec un autre ou une autre artiste, ce qui fait comme une offre variée pour le public. Puis c'est l'idée aussi de rassembler les artistes pour avoir plus de concerts avec plus de monde dans un plus grand territoire. Donc c'était la logique derrière ça, mais on trouve que ça fonctionne très bien. Un autre projet dont on pourrait parler aussi qui va avoir lieu en mars 2022, c'est une création avec la marionnettiste Marcel Hudon. Donc, on va présenter ça au Festival des Casteliers. Ça, c'est un gros projet sur lequel on a travaillé depuis presque un an, en fait. Oui, Décembre 2020. Donc, on a super hâte. C'est une artiste fantastique à ne pas manquer. Clémence, Stéphanie, Alissa, Isabelle, grand merci de m'avoir accordé cette rencontre aujourd'hui. Et pour compléter l'émission, on va écouter un extrait de votre parution toute chaude, toute récente, le travail que vous avez fait avec Christian Wolfe. Merci beaucoup. Voilà ce qui complète l'émission pour ce soir en compagnie d'Isabelle et de Stéphanie Bozzini, d'Alissa Chung et de Clemence Merkel du Quatuor Bozzini, que je remercie évidemment de nous avoir permis l'écoute de leurs œuvres, des travaux qu'on retrouve sur les plateformes Collection QB, New World Record, Bandcamp et le label de Rimouski, Tour de bras notamment. Alors, pour clore l'émission, je vous propose une interprétation du Quatuor Bozzini, d'une création du compositeur Christian Wolff. C'est des extraits d'un projet intitulé Three String Quartets. Alors, sur ce, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre aventure sonore. Au microphone, c'est Gaëtan Gosselin qui vous salue.